dit ô mes serviteurs, c'est-à-dire dit au Mohammed, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, certes, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. وَأَنِيبُوا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne sans que vous ne le pressentiez. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Ou avant qu'une âme ne dise malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs. أو تقول أن أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Ou qu'elle ne dise si Allah m'avait guidé, j'aurais certes été parmi les pieux. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Ou bien qu'elle ne dise en voyant le châtiment, ah, s'il y avait pour moi un retour, hein, la possibilité de revenir à la vie encore une fois, hein, je serais alors parmi les bienfaisants. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Oh, que si mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges et tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants. Donc le cheikh As-Sa'di explique ces versets et on va lire qu'est-ce qu'il mentionne à ce sujet-là. الشيخ السعدي الذي يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه يحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك أو قبل أن لا يمكنهم ذلك فقال قل يا أيها الرسول من قام مقامه من الدعاة ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبرا للعباد عن ربهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب والسعي في مساخط علام الغيوب لا تقنطوا من رحمة الله. Donc le cheikh il explique, il dit Allah subhanahu wa ta'ala il informe ses serviteurs qui ont dépassé les limites, hein, et qui ont commis des péchés, qui ont commis des excès, hein, qui ont commis des excès contre eux-mêmes. Allah les informe de la grandeur de sa noblesse et de sa générosité, et il les incite à la repentance, al-inaba, hein, le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala repentant avant qu'il leur soit impossible de le faire, et avant qu'il soit trop tard pour eux, et puis qu'ils ne puissent plus le faire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il ordonne, hein, au messager, en disant, dis, ô toi le messager, de même que tous ceux qui ont le même statut, pas le même statut, mais disons le même rôle que lui, dans le sens qu'ils font la da'wah à Allah, et ils appellent à la religion d'Allah parmi les du'ats. Donc Allah ordonne aux prophètes, aux messagers, ainsi qu'à ceux qui font la da'wah, hein, à la religion d'Allah par la suite, et qui suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wah, en informant ses serviteurs, hein, en informant les serviteurs, et en parlant au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, ô mes serviteurs, donc Allah subhanahu wa ta'ala il appelle, ô mon serviteur, qui a commis des excès contre leur propre âme, hein, qui ont commis des excès à leur déprimant. qui ont commis des excès contre eux-mêmes. Et donc, c'est-à-dire ceux qui ont suivi ce que leur âme les poussait à faire comme péché, et qui ont fait des, et qui ont, qui ont couru vers les choses qui amènent la colère de celui qui connaît l'invisible, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Le cheikh explique, il dit, la tayasu minha. فتقلوا بأيديكم أو فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها فتبقون بسبب ذلك مسرين العصيان متزودين ما يغضب عليكم الرحمن ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك والقتل والزنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار إنه هو الغفور الرحيم. Donc le cheikh, il explique ensuite, il dit, hein, en expliquant de ne pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah et ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire ne désespérez pas de cette miséricorde. Hein, alors que, parce que si vous désespérez de cette miséricorde, eh bien vous risquez par la suite de vous jeter à votre propre perte et de faire en sorte que vos mains soient la cause de votre propre perte par la suite, et que vous vous disiez à vous-même, j'ai fait beaucoup de péchés, et mes défauts se sont accumulés, et se sont posés les uns par-dessus les autres, hein, et que vous restiez à cause de ça sur la voie du péché, parce que vous vous disiez qu'il n'y a pas de moyen pour sortir de cette voie-là, et qu'il n'y a rien qui peut enlever ces péchés-là puisqu'ils sont trop nombreux ou qu'ils sont trop grands. Et donc c'est pour ça que le cheikh, il explique, il dit donc que vous ne devez pas rester dans cette voie-là en vous disant ce genre de choses et en perdant l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et continuer à perpétuer et à continuer à persévérer dans le péché, et en continuant à accumuler les choses qui amènent la colère du tout miséricordieux. Mais plutôt, connaissez votre Seigneur par ses noms, qui indiquent sa générosité, hein, qui indiquent sa noblesse. Et sachez que c'est lui qui pardonne tous les péchés. Il pardonne à tous ceux qui se repentent, les péchés, que ce soit le shirk, le meurtre, l'adultère, la fornication, le riba, l'injustice, et tous les autres grands péchés ou les petits péchés, il les pardonne tous. Donc, ça veut dire que peu importe la grandeur du péché ou la quantité du péché, eh bien, il faut savoir que le pardon d'Allah est plus grand encore. Et il faut savoir aussi que le pardon d'Allah est plus nombreux encore. Donc il ne faut pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe le cas ou la situation. Et que celui qui demande pardon et qui se repent sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne tous les péchés. Et il dit ensuite, innahu huwa al-ghafur rahim. Certes, il est le pardonneur, le très miséricordieux. Le cheikh, il dit, ay sifatul maghfirah والرحمة صفتان لازمان ذاتيان لا تنفك ذاته عنهما ولم تزل آثارهما سارية في الوجود مائلة للموجود تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار والعطاء أحب إليه من المنع والرحمة سبقت الغضب وغلبته ولكن لمغفرته ورحمته ونيله ما أسباب إن لم يأتي بها العبد فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة. Donc le cheikh il explique et il dit que l'attribut d'Allah du pardon et son attribut de la miséricorde sont deux attributs qui sont ensemble toujours et qui font partie de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala et il ne se sépare jamais de ces deux attributs-là. Et les effets de ces deux attributs-là ont toujours été manifestes sur sa création et sur l'existence et tout, sur tout ce qui existe. Et ces deux mains, les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, elles laissent sortir plein de biens pendant le jour et pendant la nuit et pendant le jour. Et il fait en sorte que les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala se suivent les unes après les autres, hein, et il donne à ses serviteurs de ces grâces dans le secret et en apparent. Et Allah et le don, Allah préfère le don à ne pas donner ou à retenir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala préfère donner que de retenir. Et la miséricorde d'Allah a précédé sa colère et elle a le dessus sur sa colère. Mais pour pouvoir obtenir ce pardon et cette miséricorde, hein, il y a des causes à remplir, des causes à faire pour les obtenir. Pour avoir la miséricorde d'Allah et pour avoir son pardon, il y a des causes à remplir, des causes à faire. Le serviteur qui n'a pas rempli ces causes-là, eh bien, il s'est fermé lui-même la porte de la miséricorde et du pardon. Et le cheikh explique, il dit que les plus grandes, أعظمها وأجلها بل لا سبب لها غيره الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح والدعاء والتضرع والتأله والتعبد فهلما إلى هذا السبب الأجل والطريق الأعظم. Et le cheikh il dit, et cette cause c'est la plus grande et la plus majestueuse et il n'y en a pas d'autre cause que celle-là pour obtenir la miséricorde et le pardon, c'est de se repentir, hein, de se repentir à Allah, de faire qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-inaba, de revenir sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire at-tawbah an-nasuh, la repentance sincère à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des invocations, en s'humiliant avec dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala et en l'adorant. Hein? Et donc, allons-y, hein? Allons vers cette cause, cette noble manière, ou ce noble moyen pour obtenir le pardon et la repentance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la voie la plus grande et la plus importante. Le cheikh il dit ensuite, وَلِهَذَا أَمَرَ تَعَالَ بِالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالْمُبَادَرَةِ إِلَيْهَا فَقَالَ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم إذا أفردت الإنابة دخلت فيها أعمال الجوارح وإذا جمع بينهما كما في هذا الموضع كان المعنى ما ذكرنا. Donc le cheikh il explique, il dit, et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, hein, de se repentir vers lui et de se précipiter vers cette repentance et de revenir à votre Seigneur avec vos cœurs et de vous soumettre. Naam. Donc, de se précipiter vers la repentance et Allah subhanahu wa ta'ala justement il dit dans le verset tout de suite après le verset 54, wa anibu ila rabbikum, hein, c'est-à-dire et revenez repentant à votre Seigneur. Le cheikh il dit avec votre cœur, c'est-à-dire par votre cœur. Revenez repentant à Allah subhanahu wa ta'ala avec votre cœur, c'est-à-dire avec les remords, hein, avec la pénitence, avec la repentance par vos cœurs. Wa aslimu lahu bi jawarihikum, c'est-à-dire et soumettez-vous à lui par vos corps, hein, physiquement. Et le cheikh explique que si on a mentionné dans un verset ou dans un hadith la repentance à elle seule, sans mentionner la soumission, alors dans ce cas-là, les actes du corps rentrent dans la signification de la repentance. Toutefois, s'ils sont séparés, comme dans le verset ici, ils sont mentionnés séparément, on mentionne dans le même verset la repentance et la soumission, dans ce cas-là, le cheikh dit que, dans ce cas-là, ça veut dire que la soumission, c'est la soumission du cœur, la repentance, c'est la repentance du cœur, et la soumission, c'est la soumission du corps. Ensuite, le cheikh il dit, wa fi qawlihi ila rabbikum wa aslimu lahu dalilun ala l'ikhlas wa annahu min duni ikhlas la tufidu l'a'mal al-zahira wal-batina shay'an. Le cheikh il dit, et dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, il dit et revenez en repentant à vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui, il y a dans cela la preuve de qu'on doit être sincère et qu'on doit être pur dans notre intention en revenant à Allah subhanahu wa ta'ala, et que sans sincérité et sans pureté d'intention, que ce soit uniquement pour Allah, les œuvres apparentes et cachées n'ont aucune valeur et ne servent à rien. Le cheikh il dit, min qabli, il explique la suite du verset, min qabli an ya'tiyakum al-'adhab maji'an la yudfa' thumma la tunsarun, c'est-à-dire et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que vous vienne le châtiment, hein, avant que le châtiment ne vous vienne et vous ne recevrez aucun secours. Et lorsque le châtiment vient, il n'y a rien qui peut le repousser. Hein, puis, vous n'êtes pas secouru par la suite. Rien ne peut vous secourir. Le cheikh il dit, فَكَأَنَّهُ قِيلَ مَا هِيَ الْإِنَابَةَ وَالْإِسْلَامَ وَمَا جُزْئِيَاتِهَا وَأَعْمَالِهَا فَأَجَابَ تَعَالَى بِقَوْلِهِ واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم مما امركم من الاعمال الباطنه كمحبه الله وخشيته وخوفه ورجائه والنصح لعباده ومحبه الخير لهم وترك ما يضاد ذلك ومن الاعمال الظاهره كالصلاه والزكاه والصيام والحج والصدقه وانواع الاحسان ونحو ذلك مما أمر الله به وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب المسلم. Donc le cheikh explique, il dit le verset 55 qui suit après, qui dit et suivez la meilleure révélation qui est descendue de la part de votre Seigneur. C'est comme si le cheikh dit, c'est comme si par rapport au verset précédent, on avait posé la question, et qu'est-ce que c'est que Al-Inaba et Al-Islam? Qu'est-ce que c'est la repentance et la soumission? Et quels sont ces éléments et les actes qui en font partie? Qu'est-ce qui est compris là-dedans? Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait répondu à cette question-là en disant, et suivez la meilleure révélation qui est descendu de la part de votre Seigneur. Parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné de faire, parmi les actes intérieurs, comme par exemple l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, hein, la peur d'Allah, l'espoir en Allah, le fait d'être sincère envers ses serviteurs, hein, et de leur donner la nasiha, et d'être sincère envers eux, d'aimer pour eux le bien, et d'abandonner ce qui vient en opposition et en contradiction avec ceci. Et parmi les actions apparentes, la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, l'aumône, la sadaqa, hein, et toutes les différentes formes de bienfaits, et ainsi de suite. Parmi toutes les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées, et c'est le meilleur de ce que Allah a révélé, hein, sur nous. C'est le meilleur de ce qui a été révélé sur nous de la part de notre Seigneur. Et donc, celui qui suit les ordres de son Seigneur dans ces choses-là et dans les choses semblables, alors c'est lui qui est repentant et qui est musulman. C'est lui qui est munib et qui est muslim. C'est lui qui s'est repenti à Allah et c'est lui qui s'est soumis à lui. من قبل أن يأتيكم العذاب أو من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون كل هذا حث على المبادرة وانتهاز الفرصة. الله سبحانه وتعالى يقول في آخر الآية 55 يعني avant que le châtiment ne vous vienne de façon soudaine sans que vous ne le pressentiez sans que vous ne vous y attendiez. Donc, le cheikh dit, tout ça, ça nous incite au fait de se précipiter et à profiter de l'occasion. À profiter de l'occasion qu'on a devant nous. Et de pas essayer de retarder ça. Ou de le remettre à plus tard. Hein, ou de dire, on va faire ça plus tard, pas maintenant. La repentance, c'est pas maintenant, plus tard. Hein. Parce que on peut être frappé soudainement par un châtiment d'Allah. On ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Le shaykh explique maintenant le verset 56. Il dit: ثم حذرهم أن لا يستمروا على غفلتهم حتى يأتيهم يوم يندمون فيه لا تنفع الندامة وتقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي في جانب حقه أي في جانب حقه وإن كنت في الدنيا لمن الساخرين في إتيان الجزاء حتى رأيته عيانا. Donc le cheikh il explique, il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala les avertit de ne pas persévérer et de ne pas rester et demeurer dans leur insouciance jusqu'à ce que leur vienne un jour dans lequel ils auront des remords, hein, et que leur remords ne sera d'aucun bienfait, hein, que leur remords ne leur servira à rien. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, avant qu'une âme ne dise, malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Hein? Avant qu'une âme ne dise, malheur à moi pour les manquements que j'ai eus envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh explique, il dit, c'est-à-dire par rapport à son droit. Hein, par rapport à son droit. Et j'ai certes été parmi les railleurs. J'ai certes été dans la dunya parmi les railleurs. C'est-à-dire, je me moquais du fait que vienne la rétribution jusqu'à ce que je la vois, hein, ou jusqu'à ce qu'elle soit visible et que je la vois avec mes deux yeux, hein, donc je me suis moqué du châtiment jusqu'à ce que je le vois avec mes yeux. Le cheikh il explique ensuite le verset 57 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أي لو ولو يعني في هذا الموضع للتمني أي ليت أن الله هداني فأكون متقيا له فأسلم من العذاب أو من العقاب وأستحق الثواب وليست لو هنا لو شرطية لأنها لو كانت شرطية لكانوا محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم وهو حجة باطلة ويوم القيامة تضمحل كل حجة باطلة Donc le cheikh il explique ensuite et il dit, en expliquant le verset 57, il dit: ou qu'elles ne disent, si Allah m'avait guidé, j'aurais certes été parmi les pieux, parmi les gens qui ont at-taqwa. Si Allah m'avait guidé, j'aurais certes été parmi les pieux. Et le cheikh explique ici que law, hein, le terme law ou bien si, ici, il est employé dans le sens de yani quelqu'un qui aurait souhaité, hein, qui aurait souhaité, et non pas dans le sens de la condition. C'est pas dans le sens de la condition, mais plutôt dans le sens d'avoir souhaité, hein, d'avoir espéré, d'avoir voulu. Donc il dit ici, c'est comme s'il disait, yani, si seulement Allah m'avait, j'aurais voulu ou j'aurais souhaité que Allah me guide pour que je fus parmi les, ou que j'aurais été parmi les gens qui ont at-taqwa, qui sont al-muttaqin, hein, et que j'aurais été épargné du châtiment et que j'aurais mérité la récompense. Et le si ici, c'est pas un si de conditionnel comme on a dit, puisque si c'était conditionnel, ça voudrait dire qu'ils sont en train d'essayer d'utiliser la prédestination et le décret pour justifier leur égarement. C'est comme s'ils étaient en train d'essayer. Si on disait que c'est une conditionnelle, ici, quand Allah dit, quand il mentionne leur parole, quand il dit si Allah m'avait guidé, dans le sens que c'était comme dans le sens conditionnel, si Allah m'aurait guidé, j'aurais été guidé. C'est comme s'ils blâment la prédestination ici, si c'était dans ce sens-là. Et on sait que ça, c'est un argument qui est totalement faux. Et qu'au jour de la résurrection, tout faux argument sera détruit. Hein, et tout faux argument sera, hein, anéanti et rejeté. Donc, on sait que le fait d'utiliser le qadar pour justifier nos péchés, ou justifier nos fautes, ou notre égarement, ça, c'est pas une preuve. Et c'est pas un argument correct. Hein, puisque, yani, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la possibilité de connaître la vérité et nous a guidés. Il nous a envoyé les messagers et les livres pour qu'on puisse connaître la vérité. Il nous a fait connaître notre sort si on obéit et si on désobéit. Et donc, par la suite, celui qui agit en accord avec ce qu'il a été ordonné de faire, il est récompensé. Et celui qui désobéit, il est puni. Et ça, c'est pas une surprise. C'est quelque chose que les gens ont été avertis à son sujet. Ensuite, le verset 58. أو تقول حين ترى العذاب وتجزم بوروده لو أن لي كرة أي رجعة إلى الدنيا لكنت من المحسنين. Donc, le cheikh ici, il mentionne la suite, le verset 58, où bien qu'elle ne dise, c'est-à-dire cette âme, qu'elle ne dise en voyant le châtiment, et qu'elle devient maintenant certaine que le châtiment arrive et qu'il va rentrer dans ce châtiment-là, s'il y avait pour moi un retour, c'est-à-dire s'il y avait pour moi la possibilité de revenir dans la vie d'ici-bas pour pouvoir me reprendre et corriger, hein, me corriger, et revenir de ce que je faisais, de ce qui n'était pas bon, ou revenir de ce que j'avais abandonné, de bonnes œuvres que je devais faire, les obligations que je n'ai pas faites. Hein? Donc, tout ça, c'est pour dire que ils ne peuvent pas revenir. Parce que le cheikh, il dit, hein, il dit par la suite, قال تعالى إن ذلك غير ممكن ولا مفيد. Il dit, ceci n'est pas possible. Hein? Parce qu'ils disent, si je revenais à la vie, hein, si je pouvais revenir à la dunya, je me corrigerais, je serais parmi les gens du bien. Je serais parmi les bienfaisants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est pas possible. Et ce n'est pas profitable de toute façon. Inna hadhihi amani batila, la haqiqata laha. Iz la yatajaddad lil 'abdi law rudda bayan ba'da al-bayan al-awwal. Donc le cheikh il dit, c'est en réalité des faux espoirs, hein, des faux espoirs qui n'ont aucune réalité. Et si le serviteur était renvoyé encore une fois à la vie, hein, et yani, la clarification qui lui a été donnée, c'est la même que la première qu'il a reçue déjà. Et comme on l'a mentionné déjà dans même dans d'autres versets aussi dans le Coran, comme le verset dans sourate Al-An'am, le verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. C'est-à-dire que si ils étaient renvoyés à la vie, ils seraient retournés à ce qu'on leur avait interdit. Et ce sont certes des menteurs. Donc ils prétendent que si on les ramènerait à la vie, ils feraient le bien. Alors qu'en réalité, si on les ramène, ils retournent à ce qu'ils faisaient. L'imam Ibn Kathir il dit « لما تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا العود إلى الدنيا وتحصروا على تصديق آيات الله واتباع رسله قال سبحانه وتعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Donc يعني les criminels parmi les gens du crime, ils souhaiteraient revenir à la dunya, ils ont perdu l'espoir à ce moment-là, ils ont désespéré de croire en les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre les messagers, et donc c'est pour ça que ils ont plutôt exprimé leur remords, leur remords et leur regret d'avoir rejeté la foi en les signes d'Allah et d'avoir suivi les messagers, et donc à cause de ça, donc Allah subhanahu wa ta'ala leur dit par la suite dans le verset qui suit, le verset 59, « Oh que si mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges et tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants. » Donc c'est pour ça le même le Cheikh Sa'di il dit, il explique ce verset là bala qad ja'atka ayati adalla dilalatan la yamtari fiha 'ala al-haqq fakadhabta biha wastakbarta 'an ittiba'iha. Tu t'es enflé d'orgueil, tu as traité de mensonge, tu t'es enflé d'orgueil, tu as refusé de les suivre. Wa kunta min al-kafirin fa su'alu ar-rad ila ad-dunya naw'un 'abath. Si tu demandes de revenir à la dunya après tout ça, ça c'est inutile, totalement inutile. Et comme Allah il le dit dans l'autre verset, وَلَوْ رُدُّوا لَعَدُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. S'ils étaient ramenés à la vie d'ici bas, eh bien ils seraient retournés à ce qu'on leur avait interdit de faire, et ils sont certes des menteurs. Le verset 28 dans sourate Al-An'am. Ensuite, les versets 60-61, le cheikh explique وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Donc le verset 60 et 61. Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah assombris. Leur visage devient sombre. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux et leur fera gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Donc le cheikh il explique. Il dit, يخبر تعالى عن خزي الذين كذبوا عليه وأن وجوههم يوم القيامة مسودة كأنها الليل البهيم يعرفهم بذلك أهل الموقف فالحق أبلج واضح كأنه الصبح فكما سودوا وجه الحق بالكذب سود الله وجوههم جزاء بن جنس عملهم. Donc, le Cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe dans ces versets de l'humiliation et l'avilissement que vont subir ceux qui ont menti sur Allah subhanahu wa ta'ala, et que le visage de ces gens-là au jour de la résurrection sera assombri, comme s'ils avaient dans leur visage un morceau de la nuit, hein, qui les couvre, de la nuit sombre. Donc ils deviennent assombris, et les gens du rassemblement au jour de la résurrection vont les reconnaître, hein, parce que la vérité elle est claire comme l'aube, hein. Et de la même manière que ces gens-là avaient noirci la face de la vérité par des mensonges, donc ils avaient essayé d'assombrir la vérité par des mensonges, Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là va assombrir leur visage, et donc c'est une rétribution qui correspond à leurs œuvres. فَلَهُمْ سَوَادُ الْوُجُوهِ وَلَهُمُ الْعَذَابُ الشَّدِيدُ فِي جَهَنَّمَ وَلِهَذَا قَالَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ المتكبرين عن الحق وعن عبادة ربهم المفترين عليه بلى والله إن فيها لعقوبة وخزيا وسخطا ويبلغ من المتكبرين كل مبلغ ويأخذ الحق منهم بها والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة والإخبار عنه بما لا يليق بجلاله أو ادعاء النبوة أو القول في شرعه بما لم يقله والإخبار بأنه قاله وشرعه. Le Cheikh il dit que donc ces gens-là, ces mécréants, ils auront le visage noirci ce jour-là, le visage assombri, et ils auront un dur châtiment dans l'enfer. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ, n'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux, hein? بَلَا وَاللَّهِ, certes par Allah il y aura une demeure pour les orgueilleux, les orgueilleux qui se sont enflés d'orgueil devant la vérité et devant l'adoration de leur Seigneur et qui ont inventé des mensonges contre lui, certes il y aura un châtiment et une demeure pour eux dans l'enfer. Et il y a dans cet enfer pour eux un châtiment, une humiliation et une colère, hein, et qui va atteindre les gens orgueilleux de toutes parts, et ils seront pris et on reprendra le droit de par ce châtiment-là. Allah subhanahu wa ta'ala va rendre le châtiment d'eux, hein, il va prendre son droit d'eux par ce châtiment. Et ensuite, le Cheikh il explique et il dit وَالْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ يَشْمَلَ الْكَذِبُ عَلَيْهِ بِاتِّخَاذِ الشَّرِيكِ وَالْوَلَدِ وَالصَّاحِبَةِ. Donc le mensonge contre Allah, ça comprend le fait de mentir contre lui en prétendant qu'il avait des partenaires ou qu'il a des partenaires, ou de lui attribuer un fils comme les chrétiens ou les juifs, hein, les chrétiens qui disent que Jésus c'est le fils de Dieu, ou bien que Uzair, les juifs disent que Uzair c'est le fils d'Allah, ou bien comme c'est écrit dans leur livre pour plein d'autres prophètes et anges même, ils disent que ce sont les fils de Dieu, hein, ou des choses de ce genre. Donc ça fait partie des mensonges. De même que de lui attribuer une compagne, hein, comme le font les mouchriquines, prétendent qu'il a eu femme, ou des choses comme ça, ou même les chrétiens, qui prétendent que Marie, c'est la mère de Dieu, ou des choses comme ça, ou que c'est sa compagne, ou des choses de ce genre, a'udhubillah, hein. Donc, ça, c'est des choses qui ne conviennent pas à la grandeur et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa toute puissance. ou bien également parmi les mensonges contre Allah, le fait de prétendre être un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le fait de parler à propos de sa législation et de sa religion en disant à son sujet ce qu'il n'a pas dit, ou d'informer, hein, ou d'informer, ou bien de donner des informations à propos d'Allah qu'il n'a pas dit et qu'il n'a pas légiféré. Donc tout ça, ça fait partie des genres de mensonges qu'on peut faire contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite le verset 61, hein, et Allah sauvera ceux qui ont été pieux, hein, qui ont eu at-taqwa, qui ont eu at-taqwa, en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Le cheikh il explique, il dit لما ذكر حالة المتكبرين ذكر حالة المتقين فقال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم أي بنجاتهم وذلك لأن معهم آلة النجاة وهي تقوى الله التي هي العدة عند كل هول وشدة لا يمسهم السوء أي العذاب الذي يسوءهم ولا هم يحزنون فنفع عنهم مباشرة العذاب وخوفه وهذا غاية الأمان. أي نعم. Donc le cheikh il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'état des gens qui sont orgueilleux, hein, il a mentionné par la suite l'état des pieux, l'état des gens qui ont at-taqwa, al-muttaqoon, et il dit qu'il va les sauver. Hein? Il dit qu'il va sauver ceux qui ont eu at-taqwa en leur faisant gagner leur place. Hein? C'est-à-dire, il leur fera gagner leur place, c'est-à-dire, il leur fera gagner leur salut. Hein? Et le cheikh, il dit, c'est parce qu'ils ont avec eux le moyen de ce succès. Le moyen de ce salut, ils le possèdent. C'est quoi le moyen ou l'instrument de ce salut qu'il possède? C'est at-taqwa. Tu veux avoir le salut? Tu veux avoir le succès? Hein? Tu veux gagner ton paradis? Comment tu fais pour le gagner? Avec at-taqwa, taqwa Allah. Et c'est ça la provision, hein, que tu dois avoir. C'est ça que tu dois avoir comme provision qui va être une protection au jour de la résurrection contre la peur, la crainte et la difficulté. La yamassuhum as-su, hein, aucun mal ne les touchera ce jour-là. Nul mal ne les touchera, c'est-à-dire le châtiment ne va pas leur faire aucun tort, aucun mal. Wala hum yahzanu, et ils ne seront pas attristés. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a nié à leur sujet le fait qu'ils seront en contact avec le châtiment, ou même la peur du châtiment. C'est-à-dire que ce jour-là, ils n'auront même pas peur du châtiment. Qui ça? Al-Muttaqoun, ceux qui ont at-taqwa. Tandis que les autres auront peur du châtiment, ceux qui n'ont pas at-taqwa. Hein? Et ça, donc, c'est là, c'est la limite de la sécurité, c'est ça. Donc, le cheikh dit, فَلَهُمُ الْأَمْنُ التَّامُ ويصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام. Donc ils ont cette sécurité totale et complète, hein, et cette tranquillité totale et complète jusqu'à ce qu'il va les accompagner jusqu'à ce que cela les amène à la demeure de la paix, c'est-à-dire au paradis. فحين إذن يأمنون من كل سوء ومكروه وتجري عليهم نظرة النعيم. سبحان الله. Donc à ce moment-là, ils seront en sécurité contre tout mal et contre toute chose déplaisante, et yani ils auront sur eux yani l'éclat du délice qui va apparaître sur eux. ويقول تعالى ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. il cite le verset dans sourate Fatir, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce jour-là ils vont dire louange à Allah, celui qui a fait partir de nous la tristesse, hein, qui nous a enlevé de nous cette la tristesse, notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. Hein? Ensuite, le verset 62 et 63, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil lahu maqalidu as-samawati wal ard wallazina kafaru bi ayati llahi ulaika humul khasirun. Donc 62 et 63, Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ceux-là sont les perdants. Le cheikh explique ça. Le cheikh Sa'di, il explique. Il dit « Yukhbiru ta'ala an azamatihi wa kamalihi al-mujibu li khusrani man kafara bihi faqal Allahu khaliqu kulli shay. » Donc, le cheikh, il explique que Allah nous informe de sa grandeur et de sa perfection et de ce qui oblige la perdition de celui qui rejette la foi en lui. Hein? De qu'est-ce qui implique et qu'est-ce qui oblige la perdition de quiconque rejette la foi en lui. Alors il dit, Allah est le créateur de toutes choses. Le cheikh, il dit, « هذه العبارة وما أشبهها وما أشبهها مما هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء غير الله وأسمائه وصفاته مخلوقة. » Donc, cette expression que Allah emploie dans le Coran et toutes celles qui lui ressemblent fait partie de qu'est-ce qui est très souvent répété dans le Coran et qui indique que toutes choses en dehors d'Allah, de ses noms et de ses attributs, sont créées. Que tout en dehors d'Allah, de ses noms et de ses attributs, est créé. ففيها رد على كل من قال بقدم بعض المخلوقات كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات والقائلين بقدم الأرواح ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه. Donc, le cheikh explique que cette parole d'Allah, quand il dit que tout ce qui existe, que Allah est le créateur de tout ce qui existe, eh bien, ça implique quoi? Ça implique une réfutation de toute personne qui prétend qu'il y a des créatures qui sont éternelles, comme le prétendent certains philosophes qui croient en ce qu'ils appellent qidam al-alam, qidam al-ardi wa samawat, c'est-à-dire l'éternité du monde, ou l'éternité de l'univers, ou l'éternité de la terre et des cieux. Donc ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, en mentionnant qu'il est le créateur de toutes choses, ça c'est la réfutation de ces philosophes. Et ça fait partie même des théories des kuffars, qui croient en le Big Bang et en d'autres théories de ce genre, que l'univers est éternel et qu'il ne fait que se transformer. Et comme la théorie de Einstein aussi, qui prétend que rien ne se perd, rien ne se crée. Ou bien ça, c'est Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Ou bien Einstein, c'est plutôt E égale MC2. C'est-à-dire que la matière devient énergie, l'énergie devient matière. Et la théorie de la relativité, ces choses-là, c'est basé sur des théories de Kouf qui prétendent que la matière, elle ne fait que se transformer. Il n'y a personne qui l'a créée, elle existe éternellement. Et soit qu'elle devienne l'énergie, ou que l'énergie devienne de la matière, ou un des deux. Mais qu'il n'y a pas un créateur qui est à l'origine de cette matière ou de cette création. Donc il y a des philosophes qui croient en ça. Et ça rejoint aussi les idéologies, les croyances des athées matérialistes, et même parfois aussi des bouddhistes. Parce que les bouddhistes, ils ne croient pas en l'existence d'un créateur, ils croient que l'univers existe éternellement aussi. qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. La même chose pour les matérialistes, hein, les athées matérialistes qui disent il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, l'univers est éternel. Hein. Tout ce qui se fait, c'est que ça se transforme. Et qu'on est créé tout ça à partir de... Ils disent que ce n'est pas créé, mais que c'est juste le hasard qui fait les choses et que les choses se font comme ça automatiquement ou par hasard ou sans qu'il y ait une sagesse divine et une toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui soit derrière tout ce qui se produit. Donc ça, c'est les philosophes qui disent des genres de paroles de ce genre et Allah subhanahu wa ta'ala les réfute avec ce verset-là. Et il explique que Allah est le créateur de toutes choses. Ou bien ceux qui disent que les âmes sont éternelles. La même chose, comme les bouddhistes, hein, et comme les hindous. Ils croient en la réincarnation. Ils croient que les âmes n'ont pas de commencement, ils n'ont pas de fin. Hein, et des choses de ce genre. Ça aussi, c'est faux. Parce que les âmes sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il dit le cheikh, donc, que ça, c'est des paroles, ces paroles-là, et toutes les paroles semblables à celles-là, de la part des gens de la fausseté, implique le fait de nier le créateur de nier que c'est lui qui a créé la création. Donc tout ça c'est refuté par ce verset-là. Hein? Des fois on voit un verset, on pense qu'il est petit, on n'imagine pas sa force ou sa grandeur, mais en réalité hein, il contient en lui-même la réponse à plein de questions. Comme par exemple celui-là. Et il dit ensuite le cheikh, « وَلَيْسَ كَلَامُ اللَّهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمَخْلُوقَةِ » لأن الكلام صفة المتكلم والله تعالى بأسمائه وصفاته أول وليس قبله شيء فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه مخلوق من أعظم الجهل فإنه تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته ولم يحدث له صفة من صفاته ولم يكن معطلا او معطلا عنها بوقت من الاوقات. Donc le cheikh il explique aussi une réponse et une réfutation au Mu'tazila aussi qui nie hein, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nie la parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh explique et il dit que la parole d'Allah ne fait pas partie des choses créées. Car la parole d'Allah est une attribut. La parole est une attribut de celui qui parle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses noms et avec ses attributs, est le premier. Il n'y a rien avant lui. Hein, comme on dit, huwa al-awwal wa al-akhir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le premier et le dernier. Dans le sens qu'il n'y a rien avant lui, il n'y a rien après lui. Hein? Et donc, quand on dit que Allah est le premier et le dernier, c'est-à-dire que Allah, ses noms ainsi que ses attributs, est le premier et il est le dernier, avec ses noms et avec ses attributs. Hein? Donc, ses noms et ses attributs sont éternels comme lui, puisqu'elles font partie de sa personne et de son être, hein? Ou de ses actions. Et ses actions sont reliées à sa volonté. Il les fait quand il veut. Donc, quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut. C'est ce que ça veut dire. Et il a toujours eu l'attribut de la parole. Hein? Sauf qu'il l'a fait selon sa volonté. Hein? Il est relié à sa volonté. Et elle fait partie de son ordre aussi. Hein? Ça répond aussi au Mu'tazila parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset Ala lahul khalq wal amr. Hein? N'est-ce pas à lui qu'appartient l'ordre et la création et l'ordre. Donc la parole d'Allah fait partie de l'ordre. Hein? Et donc il n'est pas créé. C'est à Allah qu'appartient la parole et l'ordre. La création et l'ordre. La création, c'est tout ce que Allah a créé. Et l'ordre, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça ne fait pas partie de la création. Et donc, l'argument des Mu'tazila qui utilise ce verset pour essayer de prétendre que la parole d'Allah est créée, ça c'est complètement réfutés et complètement rejetés. Donc, ils n'ont aucun argument dans ce verset-là. Donc, ils prétendent que, en mentionnant ce verset-là, ils prétendent que la parole d'Allah est créée, et ça, c'est la plus grande ignorance de leur part. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu ses noms, et il a toujours eu ses attributs, éternellement. Et il n'y a pas une attribut à Allah subhanahu wa ta'ala qui a été, créé, ou qui est apparu, hein, alors qu'il ne la possédait pas éternellement. Non, mais, وَلَمْ يَكُنْ مُعَطَّلًا عَنْهَا. Donc, il n'a jamais été, sans posséder cet attribut-là, à un moment ou à un autre. Non, il a toujours possédé éternellement tous ses noms et tous ses attributs. والشاهد من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي وأنه على كل شيء وكيل والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيلا عليه وإحاطته بتفاصيله ومن قدرة تامة على ما هو وكيل عليه ليتمكن من التصرف فيه ومن حفظ لما هو وكيل عليه ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها وليدبرها على ما هو الأليق فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله فما نقص من ذلك فهو نقص فيها. Donc le cheikh explique que qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset-là comme point et comme élément témoin par rapport à qu'est-ce qu'on voulait expliquer, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset-là qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il est le créateur de tous les mondes, le monde céleste et le monde terrestre, et que il est garant de toutes choses, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de tout et qui est garant de tout, et il a la responsabilité totale et absolue de toutes choses. Et celui qui a la responsabilité de quelque chose, eh bien, ça veut dire qu'il doit avoir la connaissance totale de cette chose-là. Et il doit, envelopper toutes ces choses-là dans tous ces petits détails par sa science et par sa puissance totale, pour être capable de gérer tout ce qu'il y a dedans, et de le contrôler, et de s'en occuper, et de le préserver. Donc ça implique également qu'il a le pouvoir de garder et de préserver tout ce qui est dedans. Et également, ça implique qu'il a la sagesse et la connaissance de toutes les façons dont on peut gérer et s'occuper et contrôler ce qui est dedans de la meilleure façon. Et donc, cette wakala, cette gérance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait qu'il est garant de tout ça, c'est ainsi que cela peut se produire, et c'est ainsi qu'il est garant de toutes choses. Et non, فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ نَقْصٌ فِيهَا. Donc si on diminue quoi que ce soit de cela, alors dans ce cas-là c'est une imperfection ou un défaut dans la gérance. Et donc c'est impossible de dire ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'aurait pas la connaissance et le pouvoir et le contrôle parfait de tout, puisque c'est lui le garant de tout. Et il dit wa min al-ma'lum al-mutaqarrar anna Allah ta'ala munazzahun an kulli naqsin fi sifatin min sifatihi fa ikhbaruhu bi annahu ala kulli shay'in wakeel yadullu ala ihatati 'ilmihi bi jami' al-ashya' وكمال قدرته على تدبيرها وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها Donc le cheikh explique que c'est quelque chose qui est établi et confirmé, hein, parmi les choses connues, que Allah subhanahu wa ta'ala est purifié et exempt de toute imperfection dans ses attributs, hein, dans tout attribut qu'il a parmi ses attributs. Et il nous a informé, hein, lui-même du fait qu'il est garant de toutes choses. Et c'est une preuve donc qu'il a la connaissance de toutes choses et que sa science enveloppe toutes choses. Et une preuve également qui indique sa force et sa puissance parfaite par laquelle il contrôle tout ce qu'il y a dans l'univers et gère tout ce qu'il y a dans l'univers. Et la perfection de sa sagesse également qui implique qu'il sait comment et quoi mettre à chaque et comment mettre les choses à la place où elles vont. Hein? Chaque chose, il sait la mettre là où elle va. Donc ça, c'est ce qui est impliqué par ça. Et ensuite, il dit lahu maqalidu samawati wal ard, ay mafatihuha ilman wa tatbiran. C'est-à-dire, il a les clés des cieux et de la terre. À lui appartient les clés des cieux et de la terre. Ça, c'est le verset 63. C'est-à-dire que c'est lui qui les possède, et c'est lui qui en a la science, et c'est lui qui les contrôle. وَمَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Là, il nous explique ensuite en citant le verset dans Sourate Fatir, hein, Sourate 35. Il nous cite ce verset-là dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce qu'Allah accorde aux gens comme miséricorde, il n'en est à personne le pouvoir de le retenir. Et ce qu'il retient, il n'en est à personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Hein? فلما بين من عظمته ما يقتضي أن تمتلئ القلوب له إجلالا وإكراما ذكر حال من عكس القضية فلم يقدره حق قدره فقال والذين كفروا بآيات الله الدالة على الحق اليقين والصراط المستقيم أولئك هم الخاسرون خسروا ما به تصلح القلوب من التأله والإخلاص لله وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله وما تصلح به الجوارح من طاعة الله وتعوضوا عن ذلك كل مفسد للقلوب والأبدان خسروا جنات النعيم وتعوضوا عنها بالعذاب الأليم. Donc le cheikh explique ensuite, il explique le verset, la suite du verset dit donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué sa grandeur, hein, dans les versets précédents, qui explique et qui implique que nos cœurs soient remplis de respect, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et soient remplis de vénération pour lui, hein, eh bien, il a expliqué ensuite, il a mentionné l'état de ce qui est le contraire de ça, et de ceux qui ont renversé la question, et qui n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala le respect qu'il mérite. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ceux qui ont mécru en les versets d'Allah, hein, le verset 66, non, c'est pas le verset 66, ça c'est le verset 60. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ, le verset 63, et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ceux-là sont les perdants. Hein? Donc ceux qui ne croient pas en les versets d'Allah qui indiquent la vérité et la certitude et le droit chemin, ceux-là sont les perdants qui ont perdu ce qui peut réformer leur cœur. Hein, comme par exemple le fait de, d'adorer Allah et de lui vouer un culte pur et de, d'avoir de l'ikhlas envers lui. Et ce qui peut également réformer nos langues, c'est-à-dire de les occuper par le rappel d'Allah. Et ce qui peut réformer nos corps, c'est-à-dire de, d'établir l'obéissance d'Allah. Et eux, ils ont pris ça et ils l'ont remplacé par tout ce qui peut corrompre les cœurs et les corps. Et à cause de ça, ils ont perdu les jardins du délice et ils les ont remplacés par le châtiment douloureux. Ensuite, le cheikh, il explique maintenant les versets 64 à 66. Il explique les versets 64 à 66. Et ça, c'est les versets, les derniers versets qu'on va expliquer maintenant dans ce, dans ce, dans cette partie. C'est les versets suivants où Allah subhanahu wa ta'ala dit: قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَنْ أَعْبُدَ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Ces versets-là sont souvent mentionnés par les ulama pour montrer l'importance du tawhid et le danger du shirk. Donc on va lire qu'est-ce que ça signifie, les versets 64 à 66. Dans la traduction de ces versets, ce qui signifie dit: me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, ô ignorant? En effet, il t'a été révélé. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ordonne au prophète de dire ça aux mushrikoun. Dis au Muhammad, à ces mushrikins, à ces kuffars, à ces juifs, à ces chrétiens, à ces hindous, à ces bouddhistes, à ces athées, à tous les autres qui adorent des choses en dehors d'Allah et qui associent avec Allah, dis-leur: me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, ô ignorant? En effet, il t'a été révélé, il t'a été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé parmi les messagers et les prophètes, que si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera vaine. Ton œuvre sera certes vaine, elle n'aura aucune valeur. Et tu, ne seras, et tu seras certes, tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Donc on va expliquer, qu'est-ce que, on va voir qu'est-ce que Cheikh Saadi il dit à ce sujet-là. Il dit: قل يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين دعوك إلى عبادة غير الله أفغير الله تأمروني أن أعبد أيها الجاهلون. C'est-à-dire, dis ô messager à ces ignorants, ceux qui t'appellent à adorer d'autres avec Allah, est-ce que c'est autre que Allah que vous m'ordonnez d'adorer, ô vous les ignorants? Ay, هذا الأمر صدر من جهلكم وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه مسدي جميع النعم هو المستحق للعبادة دون من كان ناقصا من كل الوجه من كل وجه لا ينفع ولا يضر لم تأمروني بذلك. Donc le cheikh il explique, il dit: est-ce que c'est autre qu'Allah que vous m'ordonnez d'adorer, ô vous les ignorants? C'est-à-dire, cet ordre que vous me donnez d'adorer d'autre qu'Allah vient uniquement de votre ignorance. Parce que si vous sachiez, si vous aviez su, ou si vous aviez la connaissance que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est parfait sur tous les plans, et sur tous les points de vue, et que c'est lui qui donne toutes les grâces, et que c'est lui qui mérite l'adoration, en dehors de tout autre, parmi les créatures qui sont faibles et déficientes et imparfaites sur tous les plans, et qu'ils ne peuvent ni profiter ni nuire, alors si vous auriez eu cette connaissance-là, vous ne m'auriez jamais ordonné ce genre de choses. Vous ne m'auriez jamais ordonné d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite وذلك لأن الشرك بالله محبط للأعمال مفسد للأحوال ولهذا قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من جميع الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك وهذا مفرد مضاف يعم كل عمل. Donc le cheikh explique, il dit pourquoi? Parce que le shirk, c'est quelque chose qui détruit toutes les œuvres et qui corrompt tous les états et les situations. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, et on t'a révélé à toi ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi parmi les, tous les messagers, que si tu commets le shirk, ton œuvre sera vaine. Et ici, c'est un mufrad mudaf. Donc c'est un terme qui est mufrad, c'est-à-dire singulier, et qui est attaché, rattaché à l'action. C'est-à-dire ton action. Et si tu associes, ton action sera vaine. C'est-à-dire toutes tes actions. Ce n'est pas juste une action que tu fais qui va être vaine. Toutes tes œuvres au complet, si tu fais le shirk, tout ce que tu fais au complet ça sera nul. Même si ton shirk était juste dans une action ou dans une adoration que tu as associée avec Allah. Ce n'est pas seulement cette action-là qui sera nulle. C'est toutes tes œuvres au complet, tout le bien que tu as fait dans toute ta vie, du moment que tu commets le shirk, jusqu'à ce que tu t'en sois repenti. Et le cheikh, il dit فَفِي نُبُوَّةِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّ الشِّرْكِ مُحْبِطٌ لِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ كما قال تعالى في سورة الأنعام لما عدد كثيرا من أنبيائه ورسله قال عنهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Le cheikh il dit que dans la prophétie, dans le message de tous les prophètes que Allah a envoyés, il y a la mention que le shirk est quelque chose qui annule toutes les œuvres. Et comme il le mentionne dans Sourate Al-An'am, après avoir énuméré un grand nombre d'entre les prophètes et les messagers, il dit à leur sujet par la suite, ceci est la guidance d'Allah. Alhamdulillah. Donc il dit, après avoir énuméré tous les prophètes, ceci est la guidance d'Allah. Et il guide par celle-ci qui il veut de ses serviteurs. En parlant de ses messagers et de ceux qui les suivent. Mais s'ils auraient fait le shirk, s'ils auraient associé avec Allah, Allah aurait rendu vain tout ce qu'ils ont fait. Ensuite il dit, وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دينك وآخرتك فبالشرك تحبط الأعمال ويستحق العقاب والنكال. Donc le cheikh il dit ولا تكونن من الخاسرين, tu aurais été du nombre des perdants. Perdant dans ta religion, tu aurais perdu ta religion et tu aurais perdu ton au-delà aussi. Parce que avec le shirk que tu commets, toutes tes œuvres deviennent vaines, deviennent nulles. C'est comme si tu tombes à zéro, tu perds tout. Et tu mérites le châtiment. Tu mérites le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et son courroux. À cause de ça. Puis il dit ensuite, ثُمَّ قَالْ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ لِمَا أَخْبَرَ لِمَا لَمَّا أَخْبَرَ أَنَّ الْجَاهِلِينَ يَأْمُرُونَهُ بِالشِّرْكِ وَأَمَرَ عن شناع وأخبر عن شناعته أمره بالإخلاص فقال بل الله فاعبد أي أخلص له العبادة وحده لا شريك له وكن من الشاكرين لله على توفيق الله تعالى كما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية كالتوفيق للإخلاص والتقوى بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة وفي تدبري وفي تدبري أنها من الله والشكر لله عليها سلامة من آفات العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال لم يتعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. Donc le cheikh il dit pour terminer que ensuite dans le verset 66 Allah subhanahu wa ta'ala il dit tout au contraire adore Allah seul hein? Tout au contraire adore Allah seul. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos de ces ignorants parmi les mushrikin qu'ils ordonnent le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné sa laideur, la laideur du shirk, et il a ordonné la pureté dans l'adoration, à l'ikhlas. Puis il dit Balillaha fa'bud. Hein? Non, bien au contraire, c'est Allah que tu dois adorer lui seul. Adore Allah seul. Et akhlis lahu al-ibada wahdahu la sharika lah. C'est-à-dire adore-le de façon pure, en purifiant ton adoration pour lui seul, sans lui donner aucun associé ou partenaire. وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ لِلَّهِ. Et sois parmi les gens qui sont reconnaissants envers Allah pour le tawfiq, le succès qu'il t'a donné d'avoir la guidance. Hein? Et il dit, la même manière que tu vas être reconnaissant envers Allah pour les grâces qu'il te donne dans les choses de la dunya, comme il te donne la santé, ou il t'épargne d'un mal quelconque. Hein? Et dans ce cas-là, tu es reconnaissant et tu le remercies et tu lui fais des éloges hein, pour le bien qu'il t'a donné dans les affaires de la dunya, et bien dans ce cas-là, tu dois aussi et encore plus lui faire des éloges dans les affaires de la religion. Même que hein, le fait qu'il t'a donné par exemple le succès de la sincérité et de la pureté dans l'adoration, du fait que tu es sur le tawhid, remercie Allah de ça hein, sois reconnaissant et fais les louanges d'Allah pour ça. Remercie Allah que tu es sur le tawhid. Remercie Allah que tu es sur la bonne voie. Remercie Allah que tu es sur la sunna. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour at-taqwa. S'il t'a donné at-taqwa, c'est une des plus grandes grâces. Et les grâces de la religion sont les plus importantes et les plus grandes. Hein? Ce sont elles qui sont en réalité les vraies grâces. C'est pas la richesse, l'argent, la santé, la beauté, la force, hein, tout ça. Ça, c'est des choses de la dunya que Allah donne aux musulmans et aux non-musulmans, aux mu'minines et aux kuffars. Hein, c'est pas ça la vraie grâce. La vraie grâce qu'Allah donne, c'est de leur donner la foi, de leur donner l'iman, de leur donner al-taqwa, de leur donner la sunna, de leur donner la force, la patience, l'endurance de rester sur la bonne voie, sur la vérité, hein, et de s'écarter du shirk et du kufr et des bid'ah et des péchés. C'est ça la vraie grâce. C'est ça la vraie grâce. Donc le cheikh il dit, et quiconque réfléchit et médite hein, sur ça, il voit qu'il doit être reconnaissant envers Allah pour cette grâce de la guidance et de la foi et de la religion. Et du fait qu'il a été épargné, hein, du moment qu'il est reconnaissant envers Allah, il sait que c'est Allah qui lui a donné cette guidance-là, qui lui a donné cette taqwa, qui lui a donné la possibilité d'être sur le tawhid, qui l'a guidé au tawhid. En reconnaissant ça, il devient protégé contre al-ujb. Al-ujb, c'est quoi? C'est lorsque tu deviens ébloui toi-même de tes bonnes œuvres. Tu deviens ébloui et content hein, de tes bonnes œuvres. Tu dis, oh comme je suis bon, oh comme je suis pieux, oh comme je suis intelligent, hein? Oh comme je fais bien des choses pour la religion, oh comme je suis généreux, hein? Et ainsi de suite. Tu t'éblouis toi-même de tes bonnes œuvres, hein? Et ça c'est quelque chose de très mauvais qui annule la valeur de tes œuvres, parce que tu dois être reconnaissant envers Allah, même pour tes bonnes œuvres, même pour la piété que tu as. Tu ne dis pas, oh, comme je suis un bon serviteur d'Allah, comme je suis un pieux, hein, je me lève pour la prière, je prie, et je fais les ordres que Allah m'ordonne de faire, et j'ai tout ce que je fais c'est bien, hein, je porte la barbe, j'ai le qamis, la femme elle dit ah, je porte le jilbab et le niqab, hein, et je me couvre. Ça c'est des bonnes choses et il faut les faire, mais il faut être reconnaissant envers Allah que Allah te permet de faire ces choses-là. C'est Allah qui t'a permis de faire ces choses-là. C'est Allah qui t'a guidé à ces choses-là et qui t'a donné le succès de ces choses-là. Donc, sois reconnaissant à Allah pour ça et remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Parce que c'est par sa miséricorde que tu les as fait. Tu as fait les efforts et Allah t'a donné le succès. Donc, alhamdulillah, remercie Allah. Hein? Et en agissant ici, en étant reconnaissant envers Allah, tu et épargné de ce péché-là qu'on appelle l'ujub, hein, qui sont présents chez beaucoup d'entre ceux qui font les œuvres, à cause de leur ignorance. Sinon, si le serviteur connaît la réalité de la situation, il ne va jamais être ébloui lui-même par une grâce qu'il a eue, hein, parce que cette grâce, en réalité, ne fait en fait qu'augmenter le mérite du fait qu'il doit augmenter sa reconnaissance envers Allah. Hein? Donc plus tu es pieux, plus tu fais des bonnes œuvres, plus tu t'éloignes du mal, plus tu dois être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala que c'est lui qui t'a permis d'être comme ça et qui t'a guidé à ça, hein? Et quand tu fais un péché, hein, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver, de te protéger du péché et de te pardonner pour ce péché-là. Et le péché, tu ne peux pas le faire excepté par la permission d'Allah. Et quand tu fais le péché, tu t'échappes jamais de la volonté d'Allah. Parce que Allah, tout ce qui arrive, c'est par sa volonté. Mais si tu es reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Si tu es reconnaissant et que tu demandes pardon, Allah te pardonne pour ton péché. Mais si tu ne te repens pas, que tu continues dans le péché, eh bien tu t'égares, hein, encore plus. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour maintenant, et il nous reste un dernier cours à faire pour conclure Sourate Al-Zumar. Donc pour terminer le tafsir de la sourate, il reste un cours. Donc il est 7h, donc 7h, dans une heure c'est le Maghreb ici environ, donc dans une heure c'est le Maghreb. Je pense pas qu'on aura le temps de le finir maintenant, mais c'est possible qu'on puisse le finir soit plus tard, peut-être après l'Isha, après le Tarawih, ou bien demain dans la journée, inshallah. Donc, je vais faire l'annonce lorsqu'on va commencer, bi'idhnillah, le dernier cours, le cours numéro 10 de ce tafsir. Donc, on s'arrête maintenant, et puis on se retrouve pour la suite, la fin de cette explication au prochain cours, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.